que mes arrière-grands-parents, pire que les potes de mes 18 ans, pire que mes cuites, mes premiers joints, pire que l'appel du 18 juin. Pire que ça qui part en fumée, c'est ce que je vois partir cet été. Ma plus belle rencontre de l'année. Pire que toutes ces femmes de passage, au charme un peu trop venimeux, qui étaient là si belles, si sages, moins pour mon âme que pour ma queue. Toi tu t'en vas à tout jamais, ce qui fait que par cet été, ma plus belle rencontre de l'année. Pire que mon sourire qui part parfois quand il se trouve trop loin de toi. Pire que la vie, pire que les mots et pire que la ville de Bordeaux. Toi tu t'en vas tout jamais, ce qui fait que par cet été, ma plus belle rencontre de l'année. Toi qui as su et sauras rester ma plus belle rencontre de l'année, afin de sauver notre amour, pourquoi ne restes-tu pas tout court? Cette dernière question m'a hanté. Pourquoi donc pars-tu cet été? Toi, ma plus belle rencontre de l'année.